ceux qui tendent l'oreille peuvent entendre les casques virevolter pour qu'enfin ils arrivent sur les oreilles des participants de ce numéro 308 de l'émission Pyongyang City Rockers sur Radio Campus Lille, 106,6. Pareil, il ne faut pas dire Lille, parce qu'il n'y a qu'une seule Radio Campus, c'est ici. Oh non. Et les autres, ce n'est pas des vrais. Il y en a plein. Mais ouais, chez Behind, même à Amiens, il y en a une, pour dire oui. Si c'est répondu. Même à Amiens. Tiens, j'en parlais tout à l'heure de Amiens, parce qu'il y a un super truc qui se trame ce week-end. D'accord. Là-bas. Attends, je t'entends pas bien, là. Toc. Toc. Toc to the mic. Ah ouais, là, on m'entend bien, là. Bonjour, micro. Tout le monde sont là. Gaël est revenu, comme la semaine dernière. Mais en plus de ça, nous avons Val. Oui. Célio. Oui. Et Jamo, malgré leurs maladies respectives. Bon. C'est de la suspicion. Hein. C'est de la suspicion. Non, c'est une certitude. Ouais. Vas-y, reparle un peu. Suspicion. Suspicion. Suspicion. Bon. Eh ben, on va voir où en sont les suspicions de la souris déglinguée, vu qu'en 1983 ou 2, je sais plus, sur Aujourd'hui et Demain, il faisait cet excellent titre où il mettait en garde contre l'abus de provocation. Ou alors ils aimaient bien ça, je sais pas, j'ai jamais bien compris de quel côté se placer, mais ça qui est bien avec la souris. Rien que ça, la souris déglinguée. Ah bravo. Promis par de la soirée. Bonsoir. Voilà. Une erreur de bleu. Ouais. Bah ouais, attends, bien sûr. Ah bah j'ai des bleus alors. Toujours bien la souris. Même si on comprend pas trop ce qu'il chante hein, quand même. Ouais, non mais je te dis, c'est philosophique. En plus, c'est emprunt à une espèce de syncrétisme occidentaux-oriental. Donc voilà quoi. Nous, on n'est pas. Je te dis que quand il parle, je comprends rien. Il assemble des mots, c'est tout. Bah oui, exactement. C'est agglutinant, c'est une langue agglutinante, comme l'allemand ou le finnois ou le japonais. Voilà. Allez, moi je vais commencer avec un groupe hollandais de Rotterdam, qui s'appelle Malade. Dedans, on y retrouve des bons noms de la scène hollandaise avec des membres jouant ou ayant joué aussi dans The Reapers, Daydrinker, Suicidal Taxi, ZDA ou encore Terror Defense. Alors, ils avaient sorti un premier morceau l'été dernier qui s'appelait Friendly Fire, quand vous avez passé. Ils reviennent cette année avec Underdog, un morceau qui annonce la sortie de leur premier album sur lequel on pourra retrouver un featuring de Sucker. Sucker Méjean, qui est le chanteur d'Oxymoron et de Bad Co-Project. Je comprends quand il parle. Et petite c'est anecdote, basique, hein, petite anecdote, hein, je sais que t'aimes bien ça, enfin que vous aimez, vous aimez bien ça. Alors, c'est ce même Sucker qui joue la basse dans tout l'album. Alors, c'est une première fois, c'est une première pour Sucker de jouer, enfin d'enregistrer tout un instrument sur un album qui n'est pas le sien. Donc voilà, ils avaient une petite galère de basse, et puis Sucker a dit, eh ben, vas-y, moi je l'enregistre. Et puis il l'a enregistré. Cool. Bravo. Alors, ça sort le 17 ou le 18 novembre. Le groupe n'est pas encore trop un jour près. Hein. Ça peut. Hein. Ouais, mais pas le 19 ou pas le 16. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Et bah, pour patienter jusqu'à là, le groupe va bientôt remettre à nouveau morceau en ligne d'ici quelques jours. Et puis, bah, en attendant, moi je vous propose le dernier en date qui s'appelle Underdog. C'est Malade de Rotterdam. C'est Radio Campus Lille. Malade sur le 106,6, le groupe de Rotterdam avec leur nouveau morceau Underdog. J'ai bien mon pilulier. Ah ouais, des chances. Dans le coin. Dans le coin ou en Wallonie là. L'autre fois, ouais, bah ouais, non mais la Wallonie c'est pas loin. Et même peut-être la Picardie wallonne. Il y a des connexions avec certains grands leaders et le groupe. Donc, voilà, l'autre fois, Montigny-sur-Roc, il y en avait un qui était là. C'est ça. Ouais, ok, ça va. Il y avait le chanteur. Oui. C'est ça. Ah mais oui, je me disais bien que ça me disait quelque chose. Je l'ai déjà rencontré, en fait, le chanteur. C'est pour le skin à très longs cheveux. C'est ça. À très longs cheveux bouclés. C'est l'émancipation. Bon. Et Bizarroni et Jordi. Ouais. Et Jen. Et Jen. Et puis les autres, on les connaît pas. Ouais. C'est lié à le parler. Ah, ouais. Allez, j'attends. Vas-y, chaud. Silence. Elle va parler. Moi, j'ai passé un groupe de post-punk new wave canadien. Oh là là. En fait, je vais bien aimer, mais bon. Mais de ouf. Mais oui, le groupe s'appelle. J'ai déjà entendu. Le groupe s'appelle Homefront. Ouais. Le titre que j'ai choisi vient du LP Game of Power qui est sorti en mars 2023. Donc le deuxième album. C'est ça, le deuxième album sur le label londonien La Vida es Unus Discos. Et il y a aussi un titre sur ce LP avec le chanteur de The Chisel. Oui, il s'appelle Nation. C'est ça, exactement. Ouais, des fans excellentissime. Ici. Et ils vont faire une tournée européenne en octobre-novembre 2023. Ah. Et ils passent à Lille le 6 novembre à la Brad Cave. Avec Chiaro Scuro et Vague. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah, Vague, les Belges, là. Ouais, c'est ça. Vague. Oui, Vague. Yeah. Un groupe de Gand, c'est ça par là-bas. Envers ou Gand, enfin, des deux. Je sais pas. Ou alors Bruges. Non, c'est pas Bruges. Ou Ostende. Ostende. Ostende. Je sais pas. Hein. Bon, bah, c'est bien, donc c'est Homefront, qu'elle dit, c'est la dame. C'est ça, Faded State. C'est vrai que ça ira très bien avec Chiaro Scuro, franchement. Un peu. Ouais. Bien, quoi. À côté émo, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais il y a plein de sortes d'émo, quoi. C'est meilleur émo que ceux qui crient tout le temps, quoi. Ouais, ouais, mais... Pour eux, les émotions, tu sais, ceux qui crient tout le temps, t'as l'impression qu'ils ont tout le temps mal. Alors qu'en fait, non, t'as pas tout le temps mal, quoi. Des fois, t'évanouis. On a parlé hors micro, moi, je trouve que ça me fait penser un peu à Eagles. Eagles, ouais, c'est vrai. Avec un U. Bah, Seagulls, mais sans S. Non, pas avec un U. Pas avec ouais, E-A. Seagulls, ouais, ouais. Mais sans S. Ouais, voilà. Okay. On va partir à Waterford, non? Ah bah encore. Ouais. Il y a des Seagulls là-bas, à Waterford. Il y a des seagulls. Non, il y a des Simpos. Ah, bien vu. Ouais, du coup, on est à Waterford. C'est sorti le 1er septembre 2023. Des Irlandais, ouais. Des cousins, même. Des Baraki Irlandais. Ouais. Je vous invite à aller voir les clips, si vous n'avez pas encore été voir les clips de Simpos. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais c'est pas eux. Et c'est pas eux. Moi, je pensais que c'était eux dans les clips. Ah bah, c'est pas eux. C'est pas eux. Ouais, c'est des copains, ouais. Bah, c'est copains. Mais des fois, ils font des featuring dans, dans les clips. Non, pas du tout. Ou non. Tu sais, qu'ils passent au fond dans la rue, là, tu sais, ou le truc. Ou qu'ils se cassent la gueule des jeux pour enfants, là, tu sais. Mais balance pas tout, les gens vont y voir. Attends, il s'énerve. Ouais. Je reviens pour dire le titre de. C'est un album ou un EP, ça? C'est un EP, c'est un 4 titres. Ouais. Hard as a nail punch. Dur comme des clous. Dur comme des clous. Ouais, et là c'est fight, fight, fight. Bon, bah voilà, c'est tout, j'en veux. Enfin, vas-y, c'est tout. Ouais, c'est bien. Simpos. Sorti sur Primator Crew. Eh, Beko Bertel. Ouais. Allez, moi je reviens dans nos belles terres. Bertel. Nos belles terres. Oh là là. Nord-Pas-de-Calaisienne. puisque voici Mal aux yeux, c'est sorti fin août, c'est leur deuxième album, je crois bien. Ça vient de Béthune, t'as vu ? Bon, mais on les voit quand même jouer un petit peu partout. D'ailleurs, si pour retrouver leur concert, une seule adresse, jepunk.org, eh ouais, voilà. Tu vois, le groupe Mal aux yeux, ils ont une association, c'est comment elle s'appelle ? Conjonctivite. C'est ça. Excellent. C'est vrai. Ouais, ouais. Et puis en plus, ils organisent des fois des concerts avec des hôtes, genre... Tout ça. Donc, c'est dispo sur malauxyeux.bandcamp.com, entre autres. C'est Mal aux yeux, donc voilà, c'est tout. Et puis, on se lamente sur le fait que, a priori, j'ai l'impression qu'on peut plus rien dire. C'est pas qu'une impression. Ah ouais, c'est vrai. Si, si, moi je le dis. Moi je dis qu'on peut plus rien dire, donc je le dis. Ah oui, d'accord. Et je me battrai jusqu'au dernier. La satire est morte. Non, en fait, c'est pas ça qu'ils disent, mais sauf que, on peut plus rigoler. Voilà. Ce n'est plus une illusion. Sauf dans Pyongyang T-Rockers. Mal aux yeux, la satire est morte. Cold, 'cause Mickey Mouse is dead. They shot him through the head with ignorance. scorn. They think there's something new. They read the papers, watched the film, thought they knew the truth. New York of the Mickey Mouse. Reality deceit, no matter what you believe, it's all just another idea. And there's this place for fear, the fear of being sus for what they really are, the fear of being laughed at when they go too far. They call it paranoia, you cannot fit away until you come to realize everyone's the same. People like their problems and their faces of contempt. They hide them till it kills them, and no one is fixed, and not even you. You, you, you've got a Mickey Mouse. 1, 2, 3, 4. Mais enfin, arrêtez, ouais, monsieur... À chaque fois que c'est des morceaux, il est dégueulasse. Il est, il est spoil. Non, non, non, c'est pour que les gens y devinent, ça rajoute. Ils gagnent rien. En plus, il y a presque une surprise après. Ah ouais. Et donc là, la surprise, juste après Mal aux yeux qui disait que la satire était morte, eh ben, c'était Subhumans qui disait que Mickey Mouse est mort. Mickey Mouse is dead. Pour dire que bah, on peut plus rigoler. Voilà. Encore. C'est fini, c'est fini. Fini, tout est pris au sérieux. Voilà, tu peux pas sortir une connerie, tac, tout de suite, tu te fais emmerder par les flics. Dès qu'ils ont l'esprit un peu plus posé, c'est nos cousins québécois. Ouais, c'est vrai. Donc je vais passer à un groupe québécois. Force Majeure, qui vient de sortir leur premier album le vendredi dernier. Il n'a pas de nom, et il comporte 10 titres, dont un titre qu'on connaissait déjà. Mon quartier, qu'on a passé au moins une fois ici, parce qu'il était dispo sur la cassette promo. Bon, certes distribué à 50 exemplaires, mais listenable sur Bandcamp. Ah bon. Tu l'as, toi, cette démo? Oui, j'ai eu la chance d'en récupérer une. Ouais. Mais ici, sur l'album, le morceau, il a été réenregistré. L'album, lui, est sorti à 500 exemplaires via les labels Primator Crew, comme s'il pose encore, tantôt. Ouais. Pour l'Europe, et Doubletown Records, je crois que c'est le label de Martin d'Ultra Razia, pour le continent américain. Et pour ceux qui aiment, sachez qu'ils ont déjà sorti donc deux splits, un avec King Kans et un avec les Parisiens de Tchernobyl. King Kans, les rois de la canette, hein, pas ouais, King Kans. King Kans, ouais, mais il est bien King Kans, mais c'est pas pareil. Un EP, trois cassettes et une participation à la compile Montréal Tombe. C'est ça. Voilà, maintenant, on va maintenant écouter le morceau Au gré des semaines, le morceau qui clôt la face A de ce nouveau vinyle de Force Majeure. Et c'est maintenant dans ton Pyongyang City Rockers. Ah ouais, si vous reconnaissez, appelez-nous au 03 62 26 89 18. Oui. Encore et encore, je change de vie, je change de vie. Alors, J'ai trouvé. Trop. Jamie, t'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Attends, vas-y. Célia, t'as trouvé? Moi, j'ai pas trouvé. On est culturé. Bah oui, moi, je savais, moi. C'était une reprise de The Cure, Jumping Someone Else Train. Else. Merci Manu. C'est Campus, on sait, c'est lui. C'est lui qui me l'a fait. Et en français dans le texte, mais fidèle au texte d'origine. Ah ouais. C'est pas une adaptation, c'est une traduction fidèle. Mmh. Ya. Yeah. Bravo. Comme il disait avant, tu sais, quand Adamo il allait chanter au Japon, bah, il faisait ses versions en japonais. la référence. Grande fierté nationale, hein. Attention. Ah bah, on dit pas du mal d'Adamo. Moi je parle de Adamo, non mais je suis plein de respect. Hein, comme pour Frédéric François. Oh mon Dieu! Bah quoi, il y a Charleroi, quoi. J'ai merde, mal à ma belle-fille. Peut-être Barzotti aussi, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, bah, on est parti sur les. En tout cas, il y a du Hainaut, quoi. Voilà. Bah, Adamo, je map, hein. Je map, ah ouais, je ça, map. Ouais. Voilà. Du map. Moi, j'ai envie de dire le du map. Alors, tu nous passes un groupe de jeu-map aussi Non, pas du tout. Moi, je passe un groupe de punk hardcore américain. Ah, c'est pas loin de jeu-map. Rien n'est loin de jeu-map. Des Californiens qui s'appellent Punch. J'ai pas grand chose à dire dessus. Le morceau, il est extrait de l'album They Don't Have to Believe qui est sorti en 2014. Et c'était leur dernier album. Ils ont fait 3 LP et 2 EP entre 2006 et 2014. Et le morceau s'appelle Personal Space. We'll be right back. Ah voilà, putain, c'était quoi cette affaire? C'était bien? Bah, c'était Prison Affair, les gars. The sound was fumed. Yes, it was smoked. It was took from a cassette. No, it was from a bandcamp. Non, Tekken, pas took, it was taken. Ah, Tekken. Tekken, comme le jeu vidéo. Ouais. Démo 3. Ouais, absolument. Et ouais, on Big l'attend. Bottom Baby. Ouais. Je demande pourquoi Varum. Varum. Bon, bah ouais. Vielleicht. D'ailleurs avec une ouais avec quand même une. La... Ouais ouais. Voilà, ceux qui peuvent lire la pochette le verront. La pochette de la cossette, t'as vu je fais chaud. T'as vu, on voit un nez dans un qui renifle un anus. Un nez en forme de zizi qui passe entre deux fesses. Oh, c'est voilà. Voilà. Bon. Bah écoute, voilà. On est un peu leste ce soir, n'est-ce pas? Et on passe. Non, je garde l'est, je sais pas. Bah puisqu'on en est au truc court, là, ça faisait 1:30. Maintenant, j'en ai pour 1:04. On va passer la nouveauté argentine de la semaine. C'est Sentimiento Fatal, dont j'ai passé au moins un titre, peut-être même deux, leur démo de 2022, mais c'était au début de l'année. Ici, ils ont sorti un titre qui se retrouvera sur leur futur album qui sortira fin d'année ou début 2024, doit savoir Charles. C'est Sentimiento. Ah ouais. Ouais, il est plus là, Charles, il a disparu. Déjà, c'est un nom difficile à porter, mais Charles, c'est. Sentimiento Fatal nous envoie un nouveau titre, donc je le passe. Et puis, bah, c'est por vos, pour vous. Par Sentimiento Fatal. Des Argentins. Ouais. C'est ça. De dire que ça se trouvait aussi sur leur Bandcamp, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, bah, tout se trouve sur Bandcamp maintenant. Des, ouais, presque, pas tout à fait quand même, mais bon, ouais. Tout ce qui est scène actuelle, on va dire. C'est clair, c'est la plateforme la moins chiante. Ah, quand t'avais à partir celle-là. Avec les gens, ouais, bah oui. De toute façon, déjà, là, ils ont vendu à une grosse boîte cotée en bourse, et donc il y a quand même pas mal de gens qui disaient que ça commençait à se dégrader. Bon, pour l'instant, ça tient. Ouais, voilà. Tu peux pas écouter plus de 5 ou 6 fois le même truc dans. Mais ça, ça apparemment, c'est les groupes, en fait. Ouais. Il faut qu'ils mettent ils activent un truc et tu peux écouter. Ah ouais. Plusieurs ah, fois. C'est les groupes qui choisissent, en fait. Après, peut-être que dans le truc de base, il n'y a pas, mais. D'accord. Ah, donc il y a des labels qui sont moins cool que d'autres. Bah ouais, il faut vendre nos 500 exemplaires durement fabriqués. Oh, moi j'aspire dès la première écoute, comme ça moi je suis pas emmerdé. Sinon, tu la dernière fois qu'on m'a dit ça. Oh là là. Oh, bah dégueulasse. Vous vous êtes parfaitement placé. Et ça aussi, la dernière fois qu'on me l'a dit. C'est un plaisir sans fin. Voilà. Allez, à nouveau. Allez, 4 nouveaux morceaux pour les Nancéiens de Rancœur. Ils ont débarqué en 2022 avec 10 titres ainsi qu'une reprise de Camera Silence. Ils ont tourné à fond les ballons et ils ont quand même trouvé le temps de nous pondre 4 nouveaux morceaux qui ont été enregistrés, mixés, masterisés en avril 2023 au Dizvlar Studio de Besançon pour un EP qui est sorti en autoproduction le 15 septembre dernier. L'artwork, il est très beau. Il est signé par Ise Bro. Il a été imprimé, plié à la main par Sylvain Circle Print et tout le groupe lui-même. Plié à la main. C'est comme à l'ardente, quoi. Non, mais moi, j'aime bien ce genre de truc parce que tout est fait maison, tu vois. Ouais, et il semblerait que ce soit déjà presque sold out. Il y a déjà, auprès du groupe, 400 copies qui ont dégagé. Alors, soyez à l'affût des bacs de distro que vous croiserez dans les jours à venir parce que je pense que ça risque de ne pas y rester longtemps. Et je vous propose d'écouter un peu de Cold Oi avec le morceau « L'âme en peine » qui donne son nom à ce nouvel EP. fois la connexion elle se fait, ouais, rancœur, bien, bon, bah, voilà. On les entend arriver en courant. Là, mon panier, bravo les gars, bravo. Là, mon harcèlement. Mais en retard, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ils sont forts, tu sais. Debout à côté ils de moi. Ils ont un chronomètre dans la tête. Surtout, ils te regardent appuyer sur les boutons. Non, mais on a mis le son, comme ça on entend. Ah oui, effectivement. Ah ouais, on est là. Eh, pas con, hein. Quand on n'est pas là, on est là quand même, on écoute. Merci. Ça va, Célio? Bah ouais. Bah, moi, je vais passer Maudit Dragon. Oh oui. C'est un groupe de punk grenoblois avec la chanteuse du groupe de Alarm. Est-ce que ça a un rapport avec Mon Dragon, non? Non, pas du tout. C'est le même quoi, non? Imagine Dragon. Mon Dragon, ils sont de Lyon, oui, c'est pareil. Pas très très loin. Mais... Ouais. Et du coup, ouais, elle a une voix qui ressemble un peu à la chanteuse des Distillers, je trouve. Mais ah. Du coup, j'aime bien. Mmh. Brody Dale. Et donc... En moins, moins mélodieux, enfin bon, ouais. plus punk. Quoi. Oui, c'est ça, bon, plus punk. Là. Et il me semble que le batteur, c'est le batteur de Reflex aussi. Oh putain. Il me semble. J'ai tout dit, les marbres. C'est ça. Et donc le morceau, il s'appelle Lacerta, il est sorti sur le LP qui s'appelle Maudit Dragon. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, je vais le chercher. Maudit Dragon. Allez. Maudit. Possible, c'est bien, on dit Dragon. Mais quand même, je préfère Alarme, avec la même chanteuse. Tac. Ouais. un groupe tchèque passe en France ces jours-ci. C'est Oujmedoma. Oujmedoma. Non, c'est pas demain. Oujmedoma. Oujmedoma. Non, non. C'est dimanche. Dimanche, dimanche, il sera à l'accueil froid à Amiens. Ah, bien. Ah, bien. Voilà. Là, je crois avoir compris. Où je vais demain? Où je vais demain? Où je vais dimanche? Et demain. En plus de ça, première partie, ils jouent des morceaux de leur premier groupe qui s'appelait FPB, Fourth Prize Band, groupe de quatrième catégorie, qui était un des premiers groupes punk tchèques. Et donc, ça, c'était quand ils faisaient du gros bourrin, et puis après ça, ils ont arrêté, et puis ils ont fait du. Comment on pourrait appeler ça? Attends, comment je l'ai appelé déjà? Du légendaire avant-punk psyché furieux et magnifique. Voilà. D'accord. Ouais. Furieux et magnifique. Alors, ils sont coutumiers de faire des trucs qui durent des fois 7 ou 8 minutes. Hein, voilà. En plus, il y a de la trompette. mais la rythmique, la gratte et tout ça, ça reste assez punk quand même. Hein. C'est ça qui est rigolo. Et donc voici, il fallait bien que je trouve une chute pour cette émission, et voici donc la chute, Kapka, en tchèque, c'est Oujmedoma. La trompinette. Eh ouais, ah. Eh, boum. Ça, ça passerait nickel dans une Ducasse Wallonne, ça. Oh, ouais, pareil, ouais, pourquoi pas. Avec des cuivres. Avec stache-stache et tout. Ouais. Attraper la flèche. Ouais, voilà. Et donc, c'est ce dimanche 1er octobre à l'accueil froid, à 21 rue Sully. Oh merde. Avec en première partie des titres de FPB et bah, ce sera 4 euros. Plus l'adhésion, vu que c'est un cercle privé. Et ça commence à 21h tapante. Donc, ceux qui viennent de Lille, bah, faut pas qu'ils soient toi de tortère. Il n'y aura pas beaucoup de monde de Lille, je pense. Toi, peut-être. Ouais. Jamie aussi, non? Ouais, Jamie. Ouais, moi, je suis. Bon, moi, j'ai reçu une bio en direct des États-Unis. Je l'ai traduite. Fuerza Bruta s'est créée en 2016 à Chicago. Les membres du groupe ont tous des origines latino-américaines, c'est pourquoi ils ont choisi de chanter en espagnol, histoire de représenter un peu leurs racines dans la scène. Ils ont fait leur premier concert après seulement une semaine et demie d'existence et deux répètes dans les pattes. Ils ont partagé pour cette première prestation live la scène avec The Templars, Legion 76, Legion 76, Legion 76, Fear City ou Brick Assassin. Alors là, il ne veut pas se foirer. Hein. Ça fait presque 6 ans que leur premier EP Verdugo est sorti, juste après leur premier concert. Depuis, ils ont sorti plusieurs EP et un 10 pouces ultra limité. Le line-up a un petit peu changé après la pandémie, sa mère. J'ai eu l'occasion moi, de les voir sur scène au Beach Beer and Chaos et c'est sûrement une de mes trois grosses claques du festival. Leur album il est sorti le 7 juillet sur Mendeku Discac pour l'Europe et War Talk Speak pour les Amériques. Une bonne petite tuerie, ils ont appelé ça Contra, ça comporte 8 titres dont une reprise des Ramones. And I'm against it. And I'm against... D'où le nom, le Contra de l'album. Ah. Droogies Radio, on a même fait son groupe du mois de septembre 2023. Alors j'ai choisi de vous passer le morceau Regreso del Verdugo, extrait de ce nouvel album. Oui. Non, c'est pas le début. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, il nous reste 45 secondes. On a juste le temps de dire au revoir. Quoi hein? Non, rien. Au revoir. N'oubliez pas d'écouter la nouvelle émission qui va passer sur RCV à partir de lundi prochain à 23h. La vie des microbes, agenda underground, présenté par Jamy et Fred. Sinon, vous restez sur Campus, il y a plein de bonnes émissions, par exemple Pyongyang City Rockers, puis d'autres. Ou alors il y a aussi Droogies Radio, droogies.com, droogies.org, carrément. On va jouer de l'orgue en antenne, et pour l'instant, on n'oublie pas... A cab. A cab. C'est Charlie Dons.